Le lieu étrange. Parfois, quand je n'ai plus beaucoup de légumes et qu'un de mes vélos n'est pas parfaitement en état, je tiens à ce que mes 84 vélos soient en état de marche impeccable. Je n'en veux ni un de plus, ni un de moins, mais tous en pleine forme. Parfois donc, je me rends dans un lieu étrange à l'extérieur de la ville. Il s'agit d'un terrain goudronné entouré de grillages. À l'intérieur, sont disposés une dizaine de bacs énormes en acier. Les gens vont là-bas en voiture, parfois avec une remorque. Je le sais, j'ai pu épier leur manège une fois en hiver, à la tombée de la nuit, juste avant la fermeture. Ils vident leur véhicule, jetant dans les conteneurs des objets presque neufs ou qui peuvent encore faire de l'usage, comme des congélateurs, des frigos, des gazinières, des jouets, des fenêtres, des lits, des robinets, des carreaux de céramique, des tuyaux, des vases. La liste est encore longue. Je ne voudrais pas perturber le récit. C'est très impressionnant à voir en tous les cas, un peu dérangeant même. Quand la nuit noire est là, bien accrochée, et que les jeteurs sont rentrés dans leur foyer depuis longtemps déjà, je pédale jusqu'à ce lieu de perdition. J'ai pratiqué un trou dans le grillage, que je referme habilement après mon passage, au travers duquel je peux me glisser. Je fais semblant de ne pas voir le panneau « Défense d'entrée » quand je pénètre à l'intérieur de ce que je nomme le lieu étrange. J'y vais souvent les nuits de pleine lune. Tout est alors éclairé par la lumière froide que nous renvoie la meilleure amie de la Terre. Ainsi, je peux voir en détail ce qui se trouve dans les bacs. J'ai l'impression d'être au magasin. Je flâne un peu en rêvant au mobilier que je pourrais installer chez moi. Puis je passe aux choses sérieuses. Je me dirige vers le conteneur réservé aux objets métalliques. Je suis souvent venu pour rien, pour ne contempler que des amas de tuyaux, de métaux en tout genre, d'appareils électroménagers fatigués. Parfois, en revanche, je distingue une forme chérie au milieu de la ferraille insipide. Le ou les vélos que je découvre alors ont souvent été recouverts d'objets en tout genre, parfois très lourds. Quand je ne parviens pas à les soulever, la bicyclette me nargue, à la façon d'une grosse mûre pleine de jus et d'ironie, si proche mais pourtant impossible à saisir à cause des ronciers trop importants. D'autres fois, j'y parviens au prix d'un grand effort pour ne récupérer finalement qu'un vélo tout tordu par le poids des objets métalliques qui le recouvraient. En de rares occasions, la bicyclette se trouve sur le dessus du tas, comme déposée avec délicatesse juste avant la fermeture, exprès pour moi. Elle est souvent quelconque, un de ces modèles tout-terrain que je préférerais ne voir sur aucun. Mais ce n'est pas toujours le cas et je me réjouis, en faisant ce récit, de repenser à ces nuits-là. Une à deux fois dans l'année, le vélo qui trône sur le tas de ferraille a tout d'une œuvre d'art. Proche de la merveille absolue, il semble revenu de l'ancien temps, avec son style inimitable. Je le caresse alors un peu des yeux, doucement, tendrement, avant de le remonter, en écoutant en nocturne au piano dans ma tête. Puis je procède au miraculeux sauvetage. Quelle que soit ma découverte, je la fais passer avec moi par le trou du grillage, puis je rentre à la maison en sifflotant sous la lune, le vélo récupéré sur le dos, ou dans le meilleur des cas, roulant à mes côtés, guidé par ma main droite reposant sur le guidon. Imaginons un instant qu'on porte un jugement sur mes actions de sauvetage, en me considérant comme un profiteur, ou pire, comme un voleur. Et je dis cela car je connais les gens, par les romans. Dans cette supposition, je suis tenu d'affirmer qu'on a tort. Est-ce un délit de récupérer ce que quelqu'un d'autre a jeté? Quand Aimé me montre un morceau de bois, par exemple, et qu'il me dit « Si tu la veux, cette planche, Miloche, je te la donne. Sinon, je la balance. » Si je m'empare de ce morceau de bois, suis-je pour autant un voleur? Je n'ai pas mauvaise conscience, je ne ressens pas le besoin de m'enfuir en courant, et je peux même prendre le temps de fixer la planche sur mon porte-bagages avec un tendeur. Dans le cas du lieu étrange, c'est exactement la même chose. À ce détail près que les gens ne me disent pas « Si tu le veux ce vélo, tu le prends, Miloche. » Car ils ne me connaissent pas. D'aucuns pourraient s'offenser au nom de la divine économie, de ce que, en récupérant du vieux matériel, je mets des ouvriers au chômage, je plombe le moral des ménages, je participe à la tiers-mondisation de mon beau pays. Là, je tue le débat dans l'œuf. Je n'aime pas les conversations qui s'éternisent dans un but de stérilité. Sans compter que le trop-plein de réalité me donne des palpitations. on tombe parfois sur des émissions radiophoniques qui détraquent la digestion et tournent boule le transit intellectuel. Pour dire le fond de ma pensée et clôturer le débat, je suis incapable de comprendre pourquoi on protège de manière aussi efficace, par de gros grillages, un endroit où les gens jettent des choses. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand je rentre chez moi, je vais me coucher, après avoir entreposé le vélo dans ma grange. Le lendemain, après un bon petit déjeuner et ma gymnastique quotidienne, j'enfile mon bleu de travail, puis je vais m'atteler à la mécanique. Je démonte ce qui est encore utilisable, je range tout dans des tiroirs sur lesquels j'ai inscrit le contenu à l'aide d'étiquettes. Pour les éléments trop encombrants comme les roues ou, plus rarement, les cadres, je n'ai pas de tiroir suffisamment grand. J'ai donc prévu plusieurs crochets en métal encastrés dans le mur auxquels je pends mes découvertes. Tout est très ordonné chez moi, car je ne supporte pas le désordre, qui me perturbe facilement. La nuit suivante, je retourne sur le lieu étrange pour replacer les restes du vélo désossé dans le conteneur des objets métalliques. Je m'y rends invariablement le lendemain de ma découverte, car bien souvent je n'ai démonté ni le cadre, ni les roues, qui ne me plaisent pas ou bien ont reçu des chocs, ce qui fait que je me retrouve temporairement avec 85 vélos, ou presque. La règle m'impose donc de m'en débarrasser le plus vite possible. Et il faut bien des règles pour la vie en société, si restreinte soit-elle. Je râle bien un peu quand je suis obligé de ramener le squelette de la bicyclette sous la pluie, mais que voulez-vous ? Pourtant, tout n'est pas si simple qu'il y paraît, et se pose à moi parfois un choix que je qualifierais de cornélien. Quand par chance je tombe sur un de ces vieux vélos que j'affectionne, posé en haut du tas, un de ces fameux miraculés que je fais rouler à mes côtés jusqu'à chez moi, je ne dors pas de la nuit, ou si peu. C'est que je connais par cœur le scénario du lendemain. Lorsque je me retrouve le matin, en pleine lumière, devant cet objet qui peut être magnifique, j'en fais le tour sans rien oser lui ôter. Ce récit ne comportant pas d'image et n'étant pas homme à aimer les descriptions précises des lieux et des choses, je suis dans l'impossibilité d'illustrer la beauté de la découverte. Aussi, je demande à ce qu'on me croie sur parole. Il se dégage parfois de ces machines à pédales une aura considérable, un peu comme si les âmes des conducteurs successifs s'étaient concentrées à l'intérieur du métal, comme si la liberté totale et les joies simples que chacun a éprouvées sur une bicyclette avaient imprégné chaque élément de la mécanique. Devant ce spectacle, pour commencer, je m'assieds. J'attends d'être sûr d'avoir repris mes esprits, puis je fais le tour de mon parc à vélo afin de savoir si, éventuellement, je ne pourrais pas me débarrasser de l'un d'eux pour faire entrer le nouveau venu dans la famille à sa place. C'est un crève-cœur. On n'abandonne pas un enfant pour le remplacer par un autre, si beau soit-il. À une occasion, et à une seule, je le confesse, je ne suis pas fier de moi. J'ai commis cette ignominie. Je ne m'en suis jamais vraiment remis. Je revois souvent en rêve mon vélo rouge aux poignées blanches, abandonné comme un vulgaire congélateur, me suppliant au milieu des ferrailles éparpillées de ne pas le laisser là. « S'il te plaît, Miloche, ne fais pas ça !» Ce traumatisme m'a servi de leçon. Aussi, je m'oblige depuis à désosser méticuleusement ma merveille de découverte, en essuyant quelques larmes, en m'excusant sans cesse. Parfois, tombant sur la perle rare, je triche un peu. Et ayant démonté chaque élément, je classe avec soin la totalité des pièces en me disant qu'un jour, en cas d'accident d'un de mes bébés, je serai toujours à temps de reconstituer le vélo en kit. Pour évacuer mes tourments, je me confie à Aimé. Il sait trouver les mots qui guérissent. Il me dit que je suis trop sensible, que je ferais mieux de me trouver une femme plutôt que de pleurer sur des carcasses rouillées. Je ris à sa plaisanterie et je vais mieux. Les amis, ça vous remonte un homme.